Ok. Dika SS. De phrase en face. B. Ce monde m'effraie. Mais je sais pas. Je sais pas par où commencer. J'ai bien trop de choses à vous balancer. Les fiches de 8 piges veulent se faire détoxer. Les filles de 40 kilos encore complexées. Qui est la perfection, qui est la vraie obésité? Sermonnés par des généralistes refoulés dans leur sexualité. Arrêtez les préjugés, je sais que tu vais pas percer, mais j'essaye de trouver J.A.G. J.A.G. Je suis un peu là pour balancer. Oh non, tu viens d'où? T'as même pas refait ton nez. Vous savez, mais vous savez que vous avez pas besoin de départ pour me faire chier. Comptez pas, une chute des bourses et on fait encore confiance aux banquiers. Toujours caché derrière des lettres de juge. Grande gueule, sadomaso pour finir sa vie. À Jeff de Bruges, tout est manipulé, on vit dans la matrice. Tout est faux, comme Santa. Ils croient vivre le pire de la vie en faisant trop lenta. Yeah. On vit dans le gouffre, tous accro à la monnaie. Illusions qui font qu'un pauvre obèse ça peut pas exister. Film d'horreur, le fait est qu'avec ses péripéties, on aura tous un jour un Beretta sur la sang, on sera tous des cils. Tous des geeks, no life, peuvent donner leur vie, sauf Call of Duty, Prestige 48, ou sinon t'es un oublie. Ou sinon t'es un oublie, dédicace à Aurel Sanso, si elle se suicide. Comment ne pas penser à la corde face à toutes ces inepties? Face à toutes ces inepties. Marre des chanteurs aux 12 titres commerciaux et répétitifs. Les tubes de l'été se ressemblent et les rappeurs toujours clichés. Ah, clichy, gangster. J'ai jamais rien volé dans cette vie, chichi. On l'est tous au mot depuis le début, sapiens sous erectus. Je sais que mes paroles seront déformées, obligées d'être invictus. Tous les rappeurs traités d'illuminati, parler haineux, ça me pousse à la provoque, immunisé, imaginatif, mais le reste rien ne m'évoque. Marre de l'hypocrisie de tous ces hautains qui poussent à l'homicide. Je suis l'homme ici, crâne rasé, pas de Justin. Pas là pour flair aux fils et groupies qui me regarderont que si un jour je réussis. Obligé d'écrire, tout s'écroule dans l'ombre du fisc. Je suis l'ombre du fisc et j'irai loin, même dans mon cœur. Face à la vie, bonne chance, c'est l'heure. Pick up aux haineux qui t'aimeront jamais, même si tu fais des alexandrins et des versets. Je sais que j'irai pas au bout, mais je vise sur le bon cheval comme au tiercé. Finisse la mythomanie des filles qui ne pas juger sur l'apparence. Mais dès qu'elles voient un BG, sont en transe. J'ai pas peur de l'échec, j'ai le mental pour copier sa vie sur les films d'horreur, les rivières pourpres. Faut que je me barre, voir loin vers le futur, car le présent me fait peur. On est dans le monde parallèle, de retour vers le futur. La technologie va vite, remonte il y a 5 ans. Fini les baladeurs à 10 qu'on a leur dit dans son fun blanc. Que fais-je ici? Je suis différent. Quand je vois les autres, je me dis qu'il faut que je quitte les rangs. Je suis essoufflé, les gens croient que je suis en transe. Quoi, c'est mon poids qui te dérange de ce qu'on souffle, mièvrance. J'en veux plus de tout ça, marre de ces allergies. Faut que je m'évade avec des nostalgies. On va finir ça sur un fond de vérité. Un vieux son que j'avais écrit avant. Gonflé dans un verre, je me dis que la vie est éphémère. Moins de 100 ans de folie, gâchée par des péripéties, des effets de merde. J'ai flairé l'air, les champs qui les polluent. Trop de fumée s'échappe de nos rêves et c'est que le début, donc faut concluer. Le monde part en couille depuis les années bisextiles. Rejette la faute sur les bisexuels, contextualisant mec. Les anorexiques, les siamois excitent. Donc le taux de suicide augmente, autant on emporte le vent. Je t'avoue ça me tourmente. Si j'écris c'est pour combler un vide et pour fermer la gueule à ce dicton de c'est la vie, la Dolce Vita. Y croit du désespérément, rien n'est impossible, se réalise avec les gens qui bouffent leurs excréments. Jeter de là-haut avec des gens qui te rejettent avec des lui. Tout vient de là-haut, mais on veut juste mettre sur le feu de l'huile. M'en fous que ce soit fini.